قال فاخرج منها فإنك رجيم. Et Allah dit, sors de là, du paradis, car te voilà banni. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. قال فإنك من المنظرين. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. إلى يوم الوقت المعلوم. Jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. إلا عبادك منهم المخلصين. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah dit, voici une voie droite qui mène vers moi. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Il a sept portes et chaque porte en a sa part déterminée. إن المتقين في جنات وعيون. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. ودخلوها بسلام آمنين. Entrez-y en paix et en sécurité. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Et que mon châtiment est certes le châtiment douloureux. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ. Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. Quand ils entrèrent chez lui et dirent salam, il dit, nous avons peur de vous. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Ils dirent, n'aie pas peur, nous t'annonçons une bonne nouvelle, la naissance d'un garçon plein de savoir. Il dit, m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc?

Et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. وإنها لبسبيل مقيم. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. إن في ذلك لآية للمؤمنين. Voilà vraiment une exhortation pour les croyants. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. Et les habitants d'Al-Aïka étaient aussi des injustes. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. Nous nous sommes donc vengés d'eux. Et ces deux cités, vraiment, sont sur une route bien évidente que vous connaissez. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Certes, les gens d'Al-Hijj ont traité de menteurs les messagers. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Nous leur avons montré nos miracles, mais ils s'en étaient détournés. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. Et ils taillaient des maisons dans les montagnes, vivant en sécurité. فأخذتهم الصيحة مصبحين. Puis au matin, le cri les saisit. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Ce qu'ils avaient acquis ne leur a donc point profité. Et nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux que pour une juste raison. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. Pardonne-leur donc d'un beau pardon. Inna rabbaka huwa al-khallaqul 'alim. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. Wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim. Nous t'avons certes donné les sept versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire à certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet et abaisse ton aile pour les croyants. Et dis, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment. كما أنزلنا على المقتسمين. De même que nous avons fait descendre le châtiment sur ceux qui ont juré entre eux. الذين جعلوا القرآن عضين. Ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses pour créer des doutes. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sur ce qu'ils œuvraient. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé. Et détourne-toi des associateurs. إنا كفيناك المستهزئين. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. Ceux qui associent à Allah une autre divinité. Mais ils seront bientôt. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. Et nous savons, certes, que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort.